nous en sommes maintenant à 3 jours de la 14e édition du Trois-Rivières Metal Fest, ce qui signifie que les amateurs du genre auront la chance de passer leur prochain week-end à se faire exploser les neurones en assistant aux 2 soirs lors desquels se succéderont 7 formations du genre. Histoire d'amorcer cette destruction neurologique, le Undead Incorporated Show Réanimation ne vous laissera pas en reste avec une programmation métallique à souhait. Je prends bien soin de mes patients, un soin que je qualifierais de maladif. Mais je prends aussi soin de mon assistant qui reprend du service ce soir pour quelque temps. Pauvre gobelin, il va comprendre pourquoi il ne venait plus ici. Nous aurons aussi ce soir en entrevue Samuel Landry de la formation Black Metal Hordax qui en profiteront pour, Samuel et un autre, je présume, qui en profiteront pour offrir des extraits de leur nouvel album May Death Be My Shepherd. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il tentera de survivre à nouveau à une autre invasion d'assistants. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Go. Thoughts. One final chance.

fou de musique. C'est fou, 89.1. Vendredi le 20 mars, 21h30, votre café-bar de Zénov reçoit les formations FIFA Fun et Le Havre. 7$ à la porte. Pour une soirée alternative pop art rock et progressive, soyez avec nous au Zénob ce vendredi 20 mars, 21h30, pour FIFA Fun et Le Havre. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Les 20 et 21 mars prochains à la bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest, 14e édition. 16 groupes sur deux soirs étant vedettes Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, édition glaciale, en ce 17 mars de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon, et ce soir, à mon grand détriment, pour la deuxième fois en deux semaines, j'ai le retour d'un assistant, Sinistros. Hein? Tu y goûtes. Oh mon Dieu, ça a l'air encore plus laid qu'avant. Eh oui! Non, mais je m'améliore avec le temps. C'est oui, c'est ça. Toi, le but, c'est de t'en les dire. Hein? Oui. Et tu le fais rondement. Je suis encore plus gris qu'avant. C'est... Oui, puis t'as encore plus de pustules aussi. C'est le fun. Ben, ça dépend parce qu'elle dégoûte par terre. Là. Ah. Hey, comment ça va? C'est pas pire. Ouais. Je sais que tu voulais pas le savoir. Mais c'est pas... Oh, non, je veux le savoir ce soir. Ah, OK, c'est bon. Comment vas-tu? C'est pas pire. Je veux rien savoir. OK, d'accord. Hey, la dernière fois que t'es venu, si je ne m'abuse, c'était... pour la Saint-Jean-Baptiste de l'été dernier, n'est-ce pas? Eh oui. Hey, ça fait longtemps déjà, là. Ben ça. Oui, le temps passe et ne se ressemble... Ouais. Ben peut-être que oui. Ouais, mais ça ressemble toujours un peu. Ben c'est super le fun que tu sois là. Puis c'est encore plus le fun, c'est que je vais peut-être avoir quelques émissions pour te taper sur la tête. Eh oui. Ça me manquait des coups de pelle, là. C'est... Ouais. Ben c'est parce que j'ai abandonné la pelle, je prends le pic à glace maintenant. Ah, c'est encore plus le fun. On parle peut-être de quoi? Au moins trois émissions, ouais, ben, incluant celle-ci, au moins trois. Ben, c'est vraiment le fun, ça. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que je raconte? qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit oui? Non, j'ai pas eu le choix. Je me suis fait imposer. En fait, je suis arrivé dans la morgue tout à l'heure, puis t'étais là. Allô? Oui, allô. Oh, mon pauvre cœur. Ah coeur. Non, pas toi. Pauvre petit pit. Je pensais que je m'étais débarrassé de ce monstre-là. Mais je le pensais sincèrement. Je sais. Mais j'avais oublié de me rappeler que t'étais un peu comme un boomerang. Ça t'arrivait toujours en arrière de la tête. Oui. Avant cette pause publicitaire et ses élucubrations, on a entendu le premier bloc de l'émission qui était constitué de ce qui suit, Slayer et la pièce Here Comes the Pain, tirée de God Hates Us All, album paru en 2001 sur American, Testament et la pièce Three Days in Darkness, tirée de The Gathering, paru en 1999 sur Spitfire. C'était l'album qui notait une longue pause studio pour Testament. Juste auparavant, nous avions Six Feet Under et la pièce Still Alive tirée du premier album Haunted, paru en 1995. C'est l'étiquette Metal Blade. Et nous avons ouvert également avec une formation sous étiquette Metal Blade, soit Ball Thrower et la pièce No Gods, No Glory tirée de Mercenary. C'est un album de 98. Sinistros. Oui, c'est moi. Oui, effectivement, malheureusement, c'est toi. Présent. Bon, je pense que la soirée va être longue. Bon, finalement, est-ce que tu t'en aller tout de suite? Non. OK. Est-ce que ça tente de célébrer un 30e anniversaire? Oui. Visiblement pas le tien, là, si non, pas le mien. Non, non, ça, ça fait longtemps que c'est passé. Tu sais que ce soir, aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la sortie de Helloweight. Eh oui! Helloweight de Slayer, bien sûr. Ah non, je pensais que c'était un Merciful Fate. Hein. Non, Helloweight de Sergio Leone. Ah! Qui avait été repris plus tard par Joël Denis. C'est cela. Oui. Donc, moi, je pense que ça serait peut-être bien de souligner ce 30e anniversaire de... C'est un très bon album de Slayer, t'es d'accord avec c'est moi? C'est un excellent album. C'est aussi. Probablement un des meilleurs. Possiblement, oui. Possiblement un des meilleurs, effectivement. Et puisque ça fait 30 ans, ben on va se taper la pièce-titre, Helloweight. Et puisqu'on se tape la pièce-titre, Helloweight, ben je vais la dédier à notre ami Tower, qui, ce pauvre Tower, a perdu son vinyle de Slayer Helloweight. Oh, ça, ça fait mal. Ça fait sûrement mal. Oui, très mal. Donc, pour le consoler un petit peu, ben voici Helloweight. Yeah. Go. Crucified I just don't follow the suit you found me. This old damn the God fell asleep for me. The river got the dark gates, the safe comes home. The demons see the birds wild, the devil see the roam. The old truth of the night, there's some way to go. It's years in a burning hole that is under control. Is there anything to save the star? Safety is the afterlife, not far. Stop the two of those to you. They tell me all for males, your life is through. Breaks the moon, when it's round. They have power. For what you see for can't be found. This evil sky all underground. Slayer et la pièce titre de cet album Hell Awaits, deuxième album complet studio paru en 1985. Je dis le deuxième, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Haunting the Chapel qui est un EP paru en 84, bien sûr. Hein? Allô? Allô? Bon, réveille. Ça m'aide de me traiter des hippies, toi, là? Non, j'ai bien trop de respect pour les hippies pour ça. Bon, voilà, et c'était une pièce que je dédie à notre ami Tower, qui a perdu son vinyle, hein, il a perdu son vinyle. Bon, pauvre Tower, j'espère qu'il m'en voudra pas. Sinistros, t'es pas venu ici juste pour m'emmerder, là, j'imagine. Oui. Bon, OK. Ah, fallait que j'apporte de la musique aussi. Ben, je préfère que tu l'apportes plutôt que la chanter, là. Oui, c'est préférable. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu sais que... Non, je sais pas. Mais tu vas le savoir. OK. Je suis rendu... plutôt sélectif dans mes choix musicaux ces temps-ci, vous voyez? C'est-à-dire? Ben, mettons que le métal, j'ai comme rapetissé légèrement mes œillères pour regarder un petit peu plus en avant et moins largement. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Moi non plus. Non, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était très original et qui sortait des sentiers battus. OK. Donc, j'ai pris la décision de laisser de côté tout ce qui était clone, tout ce qui était... Ça ressemble à telle affaire, tout ce qui était tout dans un moule préétabli. Mais t'as plus de rester grand-chose. Non, malheureusement, c'est en plein ça. Il reste en train de me dire que les trois prochaines vidéos... C'est la seule affaire que j'écoute, c'est terminé. C'est tout le temps la même chose que tu vas nous présenter. Oui, tout le temps. Ça va être super intéressant. Après ça, on les fera jouer à l'envers. On peut essayer, OK. Non, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on dirait que... Oui, puis accouche parce que je comprends rien, puis ça va, puis je suis mêlé, là. OK, non, c'est parce que là, je suis en train de péter une coche contre le métal. On dirait que c'est rendu tellement quasiment commercial des bouts. Tu me disais effectivement que tu avais un retrait d'engouement pour certaines... Ben, c'est parce qu'il n'y a rien de frais, il n'y a rien de, ouais. Rien de cool qui sort, là. Tu sais, on dirait que c'est... De temps en temps. Ben, c'est tranquille, en tout cas, présentement. Là. Oui, depuis début janvier, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Fait qu'on va y aller avec un bloc époustouflant. Époustouflant, dit-il. Oui, époustouflant, dit-il en espagnol. Ah, puis j'ai hâte que tu prononces le titre de la pièce. Oui, ben c'est ça. C'est mes choix époustouflants, effectivement. Époustouflants à prononcer, oui. Ben, c'est pas payé, il y a le nom de mon char dedans, c'est le fun. Oui. Rotting Christ, avec la pièce Ahura Mazda Agra Maneyu. C'est qui s'est traduit en français par « Tu en auras une Mazda, elle va être, tu vas agréer qu'elle soit manuelle. » Non, ça dit « Ton 2003, t'es en train de rouiller, change-les, ça presse. » c'est sorti sur cet album « Kataton Daimona Hey Toy » paru en 2013 sur « Season of Mist ». Ça sera suivi par des confrères grecs qui font une salade feta. À l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, effectivement. Septic Flesh avec Prometheus, qui est tiré de l'excellent album Titan, qui est paru en 2014, également sur Season of Mist. Et on va terminer avec Crypticon, Black Snow, qui est paru sur Melana Kasmata en 2014 sur Century Media. Excellent choix. Allons-y. Allons-y. Go! To perceive the blindness in my mind. C'est important d'avoir son sérieux pour ça parce que on appelle l'univers à entrer en nous et on partage. Fou de musique du monde. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. La radio CIFOU 89.1 vous invite à une série de spectacles qui auront lieu sur le site extérieur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le Dôme City, du 17 au 19 mars. Mardi 17 mars, soirée post-rigodon et hip-hop avec À la claire ensemble, Lord Larry Adjust et DJ Martin Côté. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com au coût de 7$ pour les étudiants et 10$ pour les non-étudiants. La billetterie fermera à 18h chaque jour de spectacle. Les billets restants seront en vente à la porte au coût de 10$ pour les étudiants et 13$ pour les non-étudiants. Laissez-vous tenter et entrez vivre l'expérience ultime dans le Dôme. C'est fou. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. À 9h59, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Sinistros, oui. C'était tes choix. Bien sûr. Pour une fois, il était bon. Ben oui, pour une fois. C'est rare. Hein? Oui, ben c'est rare. Ça me force. Il était, en tout cas, il était pas mal plate depuis juin dernier. Ouais, mais c'est vrai que la dernière fois, c'est pas terrible. Hein? Non, c'est parce que t'es pas venu entre les deux. Je sais. OK. Je voulais juste voir si tu y vais. Pas tout. OK. Triptychon avec Black Snow qui est paru sur Melana Casmata. C'est paru en 2014 sur Century Media. Excellent album. Oui. Un des meilleurs de 2014, sans aucun doute. C'est une de mes pièces préférées de l'album, en plus. Oui, ça rentre. Oui, c'est bon. Septic Flesh avec Prometheus. C'est sorti sur l'excellent album Titan. Également paru en 2014, mais cette fois sur Season of Mist. Et on a commencé le bloc avec Rotting Christ, avec Ahura Mazda Agra Mainu. Qui? C'est correct. OK. Scrape pas ton Mazda, OK? c'est sorti sur l'album Kataton Daimona Eitoi, qui est paru en 2013 sur Season of Mist. C'était excellent. On vous l'avait dit lors de l'introduction de l'émission, nous recevons ce soir deux membres représentant la formation Ordox. Je n'étais pas certain que M. Decotret soit là, mais j'avais supposé que, mais je savais que Sam Landry était pour être là. Donc, messieurs, Samuel Landry et Steve Decotret sont présents. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va numéro un, et ouais, vous? Numéro deux. Ah! Ah, c'est bon, pareil. Ben, en premier lieu, messieurs, merci de vous être joints à nous ce soir. Pour cette... en fait, c'est la dernière édition de Metal Fest de réanimation. Effectivement. Parce que le countdown est bel et bien présent. On parle de trois jours. Oui, oui. Ben, moi, c'est déjà commencé chez nous. Ouais, là, mais ça, j'imagine, ouais, ouais. Ouais, pour les gens, là, ça s'en vient très rapidement. Effectivement. Samuel, qui est guitariste dans Ordox, et M. Decotret, qui est maintenant chanteur dans Ordox. Ben ouais, un petit changement à ce niveau-là. Ouais. Ben là, juste comme ça, parenthèse, Steve, c'est une habitude chez vous de quitter le drum pour aller chanter, finalement? Parce que c'est pas la première fois que tu le fais. Ouais, ben, t'as bien raison. Mais c'est vrai, j'avais fait ça dans le temps avec Stug Empire, ouais. Sauf que... À la base de Stwig, j'étais au vocal parce qu'on avait perdu notre drummer dès le début, ouais. D'accord, merci d'apporter la précision. Ben, vous êtes ici parce que vous voulez nous parler, évidemment. Je sais que Sam, tu vas nous parler aussi du Metal Fest, bien entendu. Non, non. Non, OK. Non, on va en parler un petit peu. Pas tout, ça te permet de nous parler de les émissions que tu écoutes à la télé, de base. Ouais, j'en écoute pas. Ah bon, ben, OK, à la prochaine, bonsoir. mais bien entendu, parce que aussi, Ardox lance son cinquième album studio complet. Effectivement, c'est bien ça. On peut dire ça de même. Je vous dirais que pour le public, ça se trouve plus à être le troisième, car les deux premiers ont eu aucune promotion. C'était okay. Des albums solo que le master de formation Jean-François Jalbert avait fait. Okay. Mais depuis que la formation est un band là, actif, c'est le troisième, je dirais. Bon, ben justement, faites-nous donc un petit peu l'historique là, de la formation Ardox depuis que, comme tu le dis si bien, que c'est un groupe actif. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. C'était une idée, ben c'était un projet que Jean-François Jalbert avait parti en 90, dans les années 90, au début. Mm-hmm. Puis ça s'est mort un peu après. Parce qu'il a continué plus avec Slaughter Vain. Mm-hmm. Quand Slaughter Vain a fini, ben. Il a recomposé un album, puis ça sonnait plus dans la vibe de Ardox que ce qu'il faisait auparavant. Fait que il a décidé de lancer ce projet-là comme un projet, c'est ça, actif. Mm-hmm. Fait que ça, c'est arrivé en 2012 qu'on a commencé à jouer tout ensemble. Ouais, on vient à Metal Fest 2012 que ça commence. Ouais, c'est vrai de ça. J'avais peut-être 2 ans, j'avais pas vu GF. On s'est mis à jaser de ça. Ça a parti bien simple de même, un projet. C'était bien True Black. Bien pour le fun, mais on avait quand même de quoi d'envergure qui s'en venait parce qu'on sortait l'album, puis tout de suite, après le lancement, au début 2013, on est parti pour la tournée sud-américaine. OK, oui. T'étais là, toi? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas supposé à la base, puis juste un peu avant de partir, décidé de monter, puis ça a été le trip de ma vie, fait que okay. Bien content de ça. Fait que en 2013, on a sorti Nihil. C'est celle-là qu'on a promue là-bas, en Argentine, Chili, Uruguay. Mm-hmm. Après ça, en revenant, on a fait des shows ici un peu. On a tout de suite continué avec la composition pour sortir en 2014 l'album Beyond Mankind. OK. On a fait une vague de shows là, au Québec. On est allé en Ontario. Puis tout de suite après ça, on a répété la formule. On a parti dans la composition, puis ça donne ce que ça donne. Mais aujourd'hui. Mais il y a eu un changement en cours de route. Ouais, c'est ça. C'est ben dès qu'on a commencé la tournée de Beyond Mankind, on savait déjà que le changement allait se faire. Là. Moi, je jouais du drum, puis je savais que je finissais ça là après okay. Ça. Fait que cet été, puis à l'automne, là, ben c'est là que la composition s'est faite. Puis on est rentré en studio là, à la fin de l'année, là, cette année. Puis et voilà le résultat. On va être fiers de vous montrer ça en fin de semaine au Metal Fest. Oui, mais là, on a une primeur parce qu'on a 2 extraits ce soir. Oui, on a 2 extraits. Je pense que c'est les premières fois qu'on en fait jouer à radio. On a mis 2-3 sur Facebook, mais on n'a pas encore fait de promotion. Officielle. On attend. On a une vidéo qu'on a tournée il y a quelques semaines qui est en okay. Cours de montage. Presque terminé. On espérait le lancer pour le Metal Fest, mais on va le garder pour après, pour avoir plus le temps de s'en occuper et de le promouvoir comme il faut. D'accord. Donc ça s'en vient très vite. Puis moi, je dirais que justement, là, on est ici pour écouter 2 nouvelles pièces là, qu'on va jouer au 3e. Que vous avez même pas entendu vous autres même, j'imagine. Ah non, il les a pas. Ah non, c'est pas partout de quoi ça a. Quand Steve parlait du studio, il parlait de mon sous-sol. Là, bien sûr. Sam, j'ai une question pour toi. Bon, en fait, une question à 2 volets, si on veut. Toi, historiquement parlant, t'es avec le band, comme Steve l'expliquait, t'es avec le band depuis que le band est concrètement un groupe, c'est ça? Oui, depuis que c'est actif. Steve et JD, le bassiste, sont arrivés comme quelques semaines avant moi, là, mais okay. Ça n'a pas été très long que j'ai reçu un courriel. Puis, Toi qui est un musicien, qui est un guitariste depuis bien longtemps, mais qui était plus peut-être axé vers le trash. Effectivement. Qu'est-ce que c'est pour un musicien de trash de se convertir en guitariste de black metal? Ben, tu sais, au début, j'ai eu quand même... Je parle pas de picking, là. Ouais, ben, non, mais tu sais, la formule est quand même très différente, fait que j'ai quasiment eu un 2e apprentissage. Tu sais, oui, je savais jouer, mais c'est pas pareil. Ben, évidemment. Donc, ça m'est suivi d'une moi, dépression. Moi, c'est ça, non, mais j'ai... quand on a enregistré Nihil, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'adapter. Là. Je dirais 2-3 mois gros maximum là, okay. à pratiquer les tunes et le style. Mm-hmm. Donc, tu sais, je me sentais pas super à l'aise. Okay. C'est sûr que, bon, après avoir fait des shows puis avoir fait le deuxième album, là, un gars, il finit par comprendre. Là. Mais là, aujourd'hui, pour toi, il n'y a plus de différence, là, j'imagine. Non, il n'y a plus. Ben, surtout, même, Ordox garde quand même un petit côté trash. Même dans les nouvelles tunes, c'est un petit peu moins black, c'est un petit peu okay. plus trash death. Tu sais, je pense que ça peut aller chercher plus large okay. De public. Je sais pas si tu as écouté ce qu'on t'a envoyé. Écoute, en fait, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps. Je vais le découvrir ce soir en même temps que les auditeurs. Je trouve ça correct. Ah ouais, c'est bien le fun. Oui, ouais, tout à fait. Toi, Steve, là, de passer... Pourquoi tu as changé de position dans le groupe? Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on a fait le lancement de Beyond Mankind ici à Trois-Rivières, puis... La semaine d'après, on le faisait à Québec. On était dans ce temps-là sur la compagnie Hymne d'Antan, compagnie de black metal mm-hmm. de Québec. Puis c'est ça. En revenant de ces deux shows de lancement-là, JF m'a envoyé un courriel. Puis tu sais, on est deux personnes différentes un peu. Jean-François, c'est un très bon musicien, très bon compositeur. C'est une personne qui a l'âme un peu peut-être plus black metal, froide que moi. OK. Qui fait que, tu sais, au niveau de l'approche envers le public... je te vois bien. Le entertaining. Ouais. OK, c'est bon. Ouais, okay, c'est ouais. ça, puis... T'es peut-être moins à l'aise avec ça, peut-être? Ouais, ben c'est ça, c'est pas sa tasse datée. OK. Mais ben, c'est ça, moi, ça me fait plaisir... C'est tout le temps de quoi que j'ai préféré faire parce que le drum, c'est comme une discipline, mais faire des shows, puis ça, c'est juste un trip là, qui est. Fait que c'est naturel pour moi. Fait que t'es complètement à l'aise avec ça, être frontman finalement. Ouais, sauf que là, comme tu vois, on joue au Metal Fest, puis on a fait un show à Québec. Au mois d'octobre, un show d'une. Je suis 20 minutes à l'unisson. Fait que on n'a pas avec Yann Laplante au drum, qui était le drummer de Strig Empire, qui a joué okay. dans Slot Vein, qui a joué dans Horror Fiction, mais qui a joué dans probablement d'autres bands aussi. Là. Okay. Ah. Fait que ça pour ça, on est pas pris là. Le gars qui a pris mon poste, il assure. Là, il fait la job. Ah, il fait la job en masse. Là. Mais c'est ça. Je suis bien à l'aise avec ça, mais là, ça va être le premier depuis que Street Empire est mort en 2012, peut-être. Là, j'ai pas remonté sur le stage pour okay. m'énerver comme un. Okay. Sauf que non, je suis bien confiant qu'en fin de semaine, on va livrer une bonne performance puis on va s'arranger pour que tout le monde se fasse bien du fun à ce festival-là. Qu'est-ce que vous diriez, messieurs, si on a écouté une première pièce tirée de votre nouvel album, May Death Be My Shepherd. La pièce étant God Descend Doesn't Care. Ouais, c'est en place de la toune du futur vidéo. D'accord. On va l'écouter ça tout de suite. Oui. Parfait. Go. Yeah. Première pièce, premier extrait, en fait, on l'a-tu en primeur, oui? Hein? Oui, c'est en primeur. C'est en primeur, ici à Réanimation. Hard Dogs, je vous laisse nous présenter la pièce. La pièce, c'est... Oui, elle s'intitule. Alors, elle s'intitule, puis elle va tout le temps s'intituler God Doesn't Care. OK. C'est la première, c'est la pièce qui... c'est la pièce qui starte le nouvel album. Je regarde ça, là, on s'entend que... Ben, vous êtes sur Gally Records en premier? Oui, oui, on a okay. fait des nouvelles... Ben, Gally, c'est un bon chum à moi, hein, puis ben, pas mal tout le monde. Oui, effectivement. C'est qui, ça, Gally? Non, ben, ça, on a eu conclu une entente avec, puis ça nous aide à plus de visibilité, plus de distribution. OK. Généralement parlant, Hard Dogs, quel est votre concept au niveau des lyrics? Peut-être que c'est toi, Steve, ça s'adresse peut-être plus à toi, là, mais... Ben, le concept, grosso modo, d'Hard Dogs. Ben, je dirais que ça se passe gros sur, les faiblesses de l'humain, peut-être, ou... Les miennes, d'ailleurs, je suis quand même assez humain. Mais tu sais... J'ose espérer. C'est ça. Mais non, c'est ça. C'est, j'écris pas mal là, sur... Sur des expériences que tu as eues, des choses que tu as vécues. Moi, je suis un peu au courant, parce que je l'ai appuyé dans la correction puis des petits ajouts. J'en ai composé deux aussi, mais... OK. Je voulais, qu'est-ce que je pensais pendant que Steve parlait, c'est qu'il y a comme une... Il y a une grosse ligne entre l'ancien Ordox puis le nouveau, dans le sens que... Les compositions de Jean-François étaient plus interstellaires, plus les planètes, okay. la galaxie, les extraterrestres. Donc, ce que vous me dites là... Parce que c'est... là, c'est des textes plus humains, des vraies choses de la vie. Bon, c'est donc, ça, comme ouais. vous n'êtes pas stéréotypé comme en tant que black metal avec tout ce qui est hell. Non, c'est ça. Il y a un qui, regarde, tu vois, la tune qu'on a fait jouer là, c'est God Doesn't Care. Ouais, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est satanique. Là. Non, c'est ça. Puis c'est celle-là, elle porte sur la religion. C'est la seule tune sur l'album qui porte là-dessus. Quelle connotation, ouais. Parce qu'en réalité, Dieu puis toutes ces affaires-là, ça n'existe pas. Fait qu'on n'entendra pas pendant des lunes, tu sais, là. C'est la tune la plus courte. C'est, je trouve que c'est bien la portée. Ouais, voilà. Donc, si vous n'êtes pas stéréotypé au niveau... Je dis stéréotypé, puis je ne veux pas être péjoratif, mais on sait qu'il y a beaucoup de bandes black metal qui vont axer sur la même... triple, si on veut, là, sur le focusser sur la même espèce de pattern. Si vous n'êtes pas dans ce pattern-là, si vous êtes plus, comme vous le dites si bien, plus peut-être l'humain, la vie en général, qu'est-ce qui motive vos compositions en tant que telles, musicalement cette fois-ci? Ben au niveau musical, ça, c'est GF qui s'occupe gros de ça, puis ce gars-là, moi, en tout cas, m'a tout impressionné pour ça. Là, une machine à rip. Ah, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, regarde, on a sorti Beyond Mankind à pareille date, l'année passée. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé à écrire les paroles cet été. J'avais les 10 tonnes, tout enregistrées, musicales. Oui, oui. Les démos. Ah oui, t'avais l'ensemble, tout est allé. Oui, c'était ça. C'est ça qui était différent tout des autres fois où j'ai écrit des paroles. Tu sais, là, j'y allais, j'écoutais la tune, puis là, j'y allais en fonction de. Mm-hmm. Avec la tune. Au lieu d'écrire un texte de même, puis après faire fitter ça dans la tune c'est le même qu'on y était, là. C'est ça. J'y allais par rapport à la vibe que la tune. Me faisait ressentir, là. OK, OK. C'est facile pour toi de sortir des lyrics? Des lyrics, mais des lyrics brillantes, non. Non, mais... c'est bon. Il a fait pas mal en peu de temps. Moi, je dirais que oui, il a fait des bonnes jobs. J'ai hypothéqué mon été, puis il a fallu que je prenne gros de la drogue pour rester réveillé. Non. Mais non, c'est ça. J'ai juste... Ouais, j'ai tout droppé ça sur la table, là, puis c'est ça que ça a donné, là, puis... Donc, t'as un talent pour ça. Pas de fausse humilité, là. Ben ouais, en tout cas, c'est de quoi que j'aime bien faire, fait que quand tu le fais avec passion, d'habitude, ça se fait bien, tu sais. C'est encore bien dit, ça, mon cher Steve. Il s'est donné à 100%, il a mis beaucoup de temps là-dessus. On avait quand même des délais serrés, parce qu'on s'est... Même si on s'était pas mis de date limite, on a fini par s'en mettre une, puis regarde, en moins d'un an, on sort un deuxième album. On voulait que ce soit prêt pour le Metal Fest. On a commencé. On a enregistré à partir du début novembre. début janvier, c'était fini. Mixage, mastering, duplication. On reçoit nos CD jeudi. OK, cette semaine. Hey, fait... C'est vraiment juste avant. Ouais, c'est deux jours avant notre lancement. L'album précédent, on les a reçus le jour même. Ça fait qu'on s'améliore beaucoup dans les délais. OK. On est bien fiers de nous autres. Bon, avant de passer à la deuxième pièce, je veux juste vous poser une question. Je suis bien sûr allé me renseigner. Hein. Je suis allé voir certains trucs qui avaient rapport avec la bande, en plus de ce que Sam m'avait fait parvenir. Et je suis aussi allé voir le graphisme de la pochette. OK. Je voudrais savoir quelle est exactement l'inspiration de cette pochette. Ma foi, je dirais peu banale. Je vais t'expliquer ça. Moi, j'ai tout le temps... c'est par rapport aux lyrics, comme je te disais, tu sais, j'écris sur les choses de la vie, puis c'est ça, c'est pas des grosses affaires bien violentes, tout le monde peut se retrouver là-dedans, là, tu sais, okay. C'est... Sauf que j'ai tout le temps bien aimé ça, provoquer, pareil, tu sais, ou amener une idée qui est bien... qui... comme bien pas tranquille, là, mais tu sais, standard, ouais, mais ouais. Qui va aller chercher plus l'attention avec une image de même, tu sais, c'est sûr. Pis, absolument. C'est ça. Puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je voulais représenter avec ça? Ben c'est que dans le fond, la mort est notre berger. C'est un peu ça, là, tu sais, le principe. Oui, tout à fait. Puis le principe est que tu sais, c'est la connotation religieuse, dans le fond. Il y a rien. Tu sais, le passé, ça n'existe plus. La seule affaire qui existe présentement, c'est le moment présent. Là, mm-hmm. Le futur, on le sait pas encore. Oui, oui, oui. Fait que. Le but, c'est de, je pense, c'est d'avoir, de vivre pleinement à tout le temps en ayant du plaisir. Comme tu peux voir, la sœur, sa pochette, a tendance à s'en donner du plaisir un peu. Semble-t-il, oui. La fille qui est au-dessus, elle est comme pas mal morte, elle. Ouais. Elle se donne moins de plaisir. C'est ça. Puis elle, tu sais, la mort, elle peut venir nous chercher dans des circonstances. Des fois, c'est plus atroce que d'autres, comme elle. Oh, On voit la mort, les deux rappers avec les... Ouais, les fonds. Ouais. Et ça l'explique un peu là, le concept que au lieu de tu sais là je veux dire penser faut que tu penses là, en logique là, de qu'est-ce qui est bon dans la vie, qu'est-ce qui est bien là, uh-huh. Mais genre faites juste profiter de la vie pleinement pendant qu'on peut vivre là. Ça se passe là. Ouais, c'est là que ça se passe. OK. Donc, si je comprends bien, t'es pas mal le concepteur derrière le visuel. Ouais, c'est ça. C'est ça okay. Qui est mon trip là. OK. Ouais, c'est ça. Ben, on pourrait souligner que c'est quand même une. Toutes des amis à nous, autant dans le vidéo que sur la pochette, qui ont participé okay, au montage. C'était fait localement. Okay, les photos de la pochette ont été faites lors du tournage de notre vidéo avec Jean-Sébastien Saint-Pierre, notre photographe, qu'on est bien content d'avoir pris. D'accord. Qui nous a aidé pour la photographie. Mais ça, Sam, ce clip-là va être disponible où et quand? Ben, ça va être disponible surtout genre YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux. Hein. Puis quand, ben, ça va être... Dans le coup, mettons, là, je te dirais, là, dans les... Ouais, c'est ça, dans okay. Les deux prochaines semaines à venir. C'est le vidéoclip a été réalisé par le même réalisateur qui a produit les trois de l'album d'avant. Okay. C'est Jim Brunel, vidéographeur. Okay. Puis c'est ça, la photo de la pochette, ben ça a été pris en même temps par Jean-Sébastien Saint-Pierre. Mm-hmm. Puis j'ai bien trippé à faire ça parce que c'est ça, comparativement à une pochette qui est un dessin ou de quoi, mm-hmm. Là c'était vraiment une mise en scène, ça y rajoute la profondeur. Tout à fait. Puis comme tu as pu voir, ça a été vraiment pris dans des lieux cultes. Oui. Fait que c'est ça là... Avez-vous eu des permissions spéciales ou c'est des places qui étaient plus... Vous êtes infiltré de façon... C'est une longue histoire. Ouais, c'est ça. C'est une longue histoire. Je te dirais que j'ai réussi à m'infiltrer là-dedans sans trop parler de ce qui allait se passer là. OK, t'as pas donné trop de détails. Puis j'en ai encore des répercussions. J'avais hâte de vous montrer le vidéoclip. OK. Ouais, fait que c'est ça. C'est sûr que... Ben, on a profané quand même un peu. Sauf que on n'aura pas de répercussions négatives de ça parce que c'est ça, il n'y a pas de. Non, ça va juste nous apporter du bon gars, on en parle aujourd'hui à la radio. Fait que, et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous diriez si on allait écouter le deuxième extrait? Allons-y. Je te laisse présenter. Le deuxième extrait, la tune You Against You. Je suis désolé, mais c'est pas celle-là que tu m'as envoyée. Je t'ai pas envoyé celle-là. C'est quelle que je t'ai envoyée? Je crois que tu m'as envoyé Shards of Glass. Ah, ben, y a bien ça, on va présenter celle-là. Ouais, fait que je vais la présenter, vu que toi, t'es pas capable. Ouais, la prochaine tune, c'est Shards of Glass. C'est une tune avec un guest vocal fait par une chanteuse de la scène métal québécoise. Ils sont rares. C'est Marc-Claude Gosselin qui chante dans My Fatality, qui a fait le vocal avec moi, cette tune-là. Ça s'appelle Shards of Glass. La voici à l'instant. On l'écoute. C'est fou, 89 ans. Après quelques mois d'absence, le Zénob accueille la 41e édition des soirées Feu de forêt dans le désert. Ce mois-ci, Louis et Philippe vous présentent trois prestations en solo avec Elisabeth Anka Vajajic de chez Constellation Record, Caro Diaro de Maika Mia et Verdure, membre de Big Brave. Feu de forêt dans le désert numéro 41, ce vendredi 27 mars au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Je me sens comme un oiseau! Ah ouais? Bon, ton parachute? Hé! Hey, oh, moi! Et où la porte? J'ai remplacé ton parachute par un sac à dos! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Ce lundi 23 mars, les oranges et les verts s'affrontent dans un match enlevant dans le vent. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk. C'est fou. 89 ans. pile. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Nous sommes toujours avec Samuel et Steve de la formation Ardox. On vient d'entendre le deuxième extrait auquel on a eu droit, qui était... Shards of Glass. S'il vous plaît, messieurs. Hey, c'est celui qui l'a pas yeah, ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'était Shards of Glass. Bon, voilà. Un peu d'enthousiasme ici, là. Ouais, c'est donc, ça. Donc, Steve et Sam nous ont parlé un petit peu en onde du making-of, là, du clip qui devrait être disponible d'ici peut-être une dizaine de jours, on parlait. Ouais, environ, là. Autour de ça. C'est là. Presque final. Il reste à finaliser, mais c'est sûr qu'avec le Metal Fest dans ma vie, puis dans la vie du band en général, on a décidé de pas précipiter les choses, puis de fignoler comme il faut avant c'est de correct, sortir mais ça, de ça. La façon que vous nous en parliez, ça semble être quelque chose qui a eu beaucoup de travail, il y a beaucoup de concepts autour de ça aussi. Ben. Donc, ça va piquer les curiosités. Ah oui, le monde aurait sûrement bien aimé ça, savoir de quoi qu'on a parlé pendant que... Mais ça, on peut pas le dire. Voilà. On le dira pas. Écoutez, messieurs, vous êtes le deuxième band qui va se produire sur scène le samedi au Metal Fest. Effectivement. Est-ce que c'est le premier show d'Ardox à vie pour le Metal Fest? Oui. Oui, ouais, c'est ouais. Le premier on show. On a tous déjà joué, mais dans un autre band. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, je suis au courant, effectivement. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, on en voit tellement qu'on n'est plus sûr dans le temps, là, si ça s'est passé ou non. Ouais, mais on ne l'avait pas fait encore. Mais toi, Steve, est-ce que ça va être ton premier show frontman ou ton deuxième show frontman au Metal Fest? Non, ben pour le Metal Fest, non. Les trois fois, ben ça va être la troisième fois, là. OK. Puis les trois fois que j'ai joué, c'était frontman. Okay. Les deux fois, c'était Extreme Empire. La première, ça date de 2005. Je vais commencer à être en âge de boire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'es rendu dans la soixantaine à peu près. Ouais, il vieillit plus vite que tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est un style de vie, hein. J'imagine. Sam, tu es bien sûr fait partie des organisateurs de Trois-Rivières Metal et Trois-Rivières Metal Fest, 14e édition. Écoute, je te laisse nous en parler comme tu le veux. Je peux vous donner une couple d'informations, là, sûrement que depuis les débuts, il y a eu des nouveautés qui sont ajoutées. Certainement. Dont le meet and greet organisé avec les groupes, surtout les têtes d'affiche. Ben oui. Tout à fait gratuitement. T'sais, souvent dans les spectacles, mm-hmm. Bon, c'est VIP, le billet coûte plus cher. Ouais, nous, ouais. On a demandé au groupe la permission, puis les groupes ont répondu positivement. C'est good. Donc, ça sera... j'ai pas l'horaire précisément, mais les groupes, deux par deux, en deux batchs chaque soir. Donc, 8 groupes qui vont se présenter à la petite table pour signer des autographes, serrer des poignées de main et parler avec les fans pendant 20-30 minutes. Là. Puis, on parle de quel groupe exactement? Bien, on parle des 4 têtes d'affiche de chaque soir. Donc, God Dethroned, Terrorizer, Cryptopsy et Augury le vendredi. Mm-hmm. Flesh God, Apocalypse, Gorgots, Razor et Benighted le samedi. Si vous avez des vinyles, des CD, des affaires à signer, c'est le temps de les apporter. Ouais. Des ouais. boules! Ouais, mais, si, peut-être, oui. Ça, c'est qu'est-ce qui est plate, c'est que t'es mieux de t'aller faire tatouer parce que sinon ça part là-bas. Ça part, ouais. Ouais. Mais ça c'est une bonne initiative que vous avez eue de faire ça. Ah, on a eu des bonnes réactions. Boules, ben oui. Non, pas ça. Mais semblait qu'il y aurait quoi qui arriverait en arrière. Ça, c'est vu que, justement, Hordox, nous, on n'est pas dans le meet and greet parce que, de toute façon, on va être à notre table de marchandises puis vous allez pouvoir venir nous voir quand vous voulez. Mais nous autres, c'est ça qu'on signe. C'est les boules. Ouais, exclusivement. Il est très bon en orthographe quand c'est. Oui, c'est dans le concret de même, ouais. Là. Ouais. Puis j'ai un nom qui est assez long, hein. Fait que je peux signer sur tous les modèles, tu sais, là. J'ai un nom qui est long, mais je suis capable d'écrire petit. Fait que, regarde, gâtez-vous, les filles. Fait que là, c'est ça. Il y a des affaires qui s'en viennent. Je pense que Flesh God Apocalypse arrive à 1h15 jeudi soir. Dans la nuit, là, okay. Ça, pour nous autres, ceux qui vont transporter les groupes de l'aéroport à l'hôtel, puis tout ça, l'action commence un petit peu d'avance, le montage de la salle jeudi, ce qui est une très grosse journée, là, où ce qu'on monte toute la scène, le kit de son. Malgré que c'est plus facile le jeudi que le dimanche. Ouais, le dimanche, jamais évident. Ouais, ça doit être plus motivant à monter qu'à démonter. Ouais, le dimanche, c'est tout le temps dur. Ouais, effectivement. On festoie toujours un peu, hein, parce que c'est un événement. C'est ça que j'ai dit dans un autre... C'est un événement festif. C'est un événement festif. Absolument. Je sais pas pourquoi, mais c'est devenu comme ça avec la tradition, l'hôtel, after show. Mm-hmm. Ça a toujours pas mal viré quasiment à beuverie. Il se vend beaucoup de bière par habitant, comme on pourrait dire. Le quota, il est bon. Puis, même si c'est all age, que c'est la base, c'est 18 ans et plus, mais mm-hmm. c'est all age pour tout le monde. Fait que, il y a des jeunes aussi qui s'initient à futur beuverie. Ils boivent pas, ils regardent. Ouais, tu sais comment ça se passe. Mais je pense que... Ça décourage une coupe pendant ce temps-là. Non, on veut pas de demain. Non, mais on n'a jamais eu. Ça a toujours bien été... Mais tu sais, je pense que si ça arrive de même, tu sais, puis que le monde, il festoie de même, ben c'est parce que un événement de même, il y en a une par année. Mm-hmm. Puis la scène métal, c'est pas ça. Vrai ce que tu dis, parce qu'en 2014, on n'en a pas eu. Bon, ben, mais en réalité, c'est ça. Je pense que le monde l'attend, tu sais. Fait que quand ça arrive, ben, c'est le party pour tout le monde, tu sais. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Puis c'est normal de le voir comme ça aussi, là, je veux dire. Puis vous allez sûrement être d'accord avec moi, la scène métal, c'est une des scènes les plus festives, justement, où tout le monde peut avoir du fun ensemble sans avoir peur de quoi que ce soit, là, contrairement à d'autres styles. Si on parle aux agences de sécurité, il y a exemple qui viennent, ils couvrent toutes sortes d'événements, puis tu sais, souvent... Ils doivent être d'accord pour dire. Ils pourraient avoir tendance à penser que ça va être pire au Metal Fest, mais c'est mieux que bien d'autres événements. Hey, Céline, c'est bien pire. Ouais, puis le salon de l'habitation, ça brosse. Quand il y a des prises de sang, il y a du monde qui s'évanouisse. Il y a du sang. Il y a bien plus de sang d'une prise de sang. Ben oui. Généralement, là, c'est bien sécuritaire. S'il y a des mères qui écoutent ça ou qui veulent pas envoyer leurs enfants, on n'a jamais eu de problème. Non, écoute. Mes enfants cette année vont venir. Puis non, mais ben ça, c'est les mères qui n'ont pas compris, c'est qu'ils fassent garder leurs enfants puis qu'ils viennent au Metal Fest. Ouais. Voilà! Moi, je les ai tous vus, les Metal Fest, et puis j'ai jamais vu aucun incident là. Non, regarde, on a déjà eu deux. L'année de Cavalera, il y a déjà eu une petite commotion cérébrale. Ça va arrêter pendant une toune. Ouais. Parce qu'un gars s'était blessé dans le pit à l'avant, mais je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver quand il y a 600 personnes avec un gros circuit de pit. Tu peux te faire frapper en traversant la rue. Ouais, et voilà. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est ça. C'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Puis, non. Tout le monde est bien amical habituellement. Regarde, cette année, je pense qu'on a un petit point fait divers. On attend du monde de plus loin. On va avoir plus d'Ontariens, plus de Maritimes. Ouais, j'ai vendu des billets aux États-Unis, ce que j'ai entendu. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on a beaucoup de groupes comme Terrorizer, show exclusif au Canada. C'est le premier puis le seul pour l'instant, en tout cas pour cette année. Pis je pense que God Dethroned aussi. Oui, God Dethroned sont pas venus. Dans le fond, ils ont pris comme leur retraite il y a environ 4 ans. J'avais vu le dernier show avec Overkill à l'Impérial à Québec en 2011. C'était dans la dernière tournée. Là. Mm-hmm. C'est un groupe que j'ai toujours aimé depuis que j'ai eu le premier album au Club Columbia en 1998. Là. Mm-hmm. Puis, j'ai pris une chance un soir, j'ai pris une coupe de bière, puis on cherchait un band, puis J'ai dit, coudonc, j'ai vu qu'ils se réunissaient pour jouer ce 70 tonnes de métal. Mm-hmm. Donc, ils ont bien fait des choses. J'ai écrit, puis finalement, le lendemain matin, j'avais une réponse. Ils t'ont répondu aussi vite que ça? Ah, j'ai écrit avant de me coucher, le lendemain, j'avais la réponse. Ben, c'est le fun, ça. J'avais de quel aéroport qui partait, de où, de quoi, tout. Ah, ouais. Ils ont été très... professionnels. La plupart des groupes, cette année, là, très, très sympathiques. T'sais, des fois, il y a des contraintes. Ouais, ça doit être moins évident, là, des fois. Pour avoir le logo sur le chandail, par exemple, ou pour, tu sais... pour l'équipement, uh-huh, ou pour la loge. Uh-huh. Mais tu sais, cette année, je crois que tous les groupes là, très sympathiques, ils sont tous très contents de venir. Ben, c'est merveilleux. C'est qu'à Rubberizer, ça vient de... On parlait avec d'autres groupes que ça n'a pas fonctionné, mais c'est la même agence. Puis tu sais, ils étaient en tournée au Brésil quand on a booké ça. OK. Ça, ben, on a sauté sur l'occasion, comme on pourrait dire. Puis c'est sûr qu'on a Razor, qui est un groupe culte aussi, qui n'a pas joué depuis 2011. Mm-hmm. Une réunion, on a vu qu'ils jouaient au Maryland Deathfest mm-hmm. au mois de mai. Avec, là, dans ce cas-là aussi, on s'est dit, ben, les gars doivent bien avoir remonté le band, bien être en train de pratiquer. Donc, probablement. On a lâché un petit coup de fil par email. Puis, non, on fait des shows, mon petit. Oui, c'est ça. Tant pis pour vous autres. Puis, ben, c'est ça. Là, on a été chercher les bands québécois dans les plus solides qu'il y avait disponibles avec Huggery, Cryptopsy, Gargots. Mm-hmm. C'est sûr que bon, les groupes sont déjà venus, mais on... Gargots! Comment on dirait ça, hein? J'ai regardé le Heavy Montreal puis le Rockfest depuis une couple d'années. Ouais, disons que si on vient Metal Fest, on coche au-dessus. Ouais, disons qu'on peut se poser des questions, les fois. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nous, ben, dans ce cas-là, oui, de toute façon, on est comme limité dans les groupes québécois de tête d'affiche. Là, oui, mm-hmm. des groupes, je reçois 1000 demandes. Ouais, mais je veux dire, des groupes qui. Faut penser business un peu, faut remplir notre salle, sinon l'événement serait pas viable. Hein. Uh-huh, tout à fait. Non, je suis pas ça donne d'accord. La chance aux plus petits groupes de se faire connaître en jouant en première partie des têtes d'affiche. Tout à fait, absolument. Sam, j'aimerais qu'avant qu'on y aille avec tes trois choix musicaux de trois formations qu'on va retrouver sur Metal Fest, j'aimerais que tu nous redonnes le détail des deux cartes des deux soirs, les groupes qu'on va retrouver, le prix des billets, les endroits de s'y procurer, puis je pense aussi qu'il y a des afters qui se produisent. Oui, oui, il y a plein de trucs, fait que je vais essayer de faire ça vite, mais... pour les billets, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les prix moins chers en pré-vente se terminent jeudi à minuit. Fait que moi, chaque année, je suis toujours étonné de ceux qui arrivent à la porte et qui me disent ah, je peux-tu l'avoir au prix de la pré-vente? Mais non, tout l'inquiète. Fait que la pré-vente, c'est jusqu'à jeudi soir en vente dans la plupart de nos points de vente habituels, soit Long & McQuaid, Metal Punk et les deux Puce Rock à Trois-Rivières. Mm-hmm. Visitez notre site web 3RMF.com pour plus d'informations sur les autres villes et les autres Vision points de vente. Rock Québec, entre autres. Oui, Vision Rock Québec, Drummondville. Ruben Drummondville, Frisson et Sound Central à Montréal. Mm-hmm. Les groupes, les trois premiers groupes de chaque soir, même les quatre premiers groupes de chaque soir ont des billets en leur possession, puis ont même une cote sur les billets, fait que ah. Vous pouvez les encourager en achetant directement au groupe. Sinon, absolument. À la porte, c'est 45$ par soir. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a de la place en masse. Mm-hmm. Mais si vous voulez profiter de 70$ pour les deux soirs, ben procurez-vous votre passe pendant qu'il en reste. Il en reste d'accord. Plus épais, je vous le dis, ça fait que allez faire un petit tour dans nos magasins. Les portes ouvrent à 17h, le show start à 18h pile, ça finit vers 1h. À 1h, disons qu'on pogne notre manteau vestiaire et on sort. Ben ouais. Fait que c'est une grosse soirée, deux soirs en ligne. On a l'after party le vendredi avec Alcoholator au Rock Café Le Stage à partir de 1h30 du matin. Mm-hmm. On a My Fatality et Retard Nation le samedi à l'after party. Encore au Rock Café Le Stage, mm-hmm. Encore à 1h30 du matin, 5$ chaque soir seulement. On a le vendredi, on start la soirée avec Outlying à 18h, Obliterate, Killitorus, Saltsire, Augury, Cryptopsy, Terrorizer et God Dethrone en tête d'affiche. Ainsi que le samedi, on commence à 18h avec Bukaki, Ordox, Car Chaos, Genetic Error, Be United, Razor, Gargots et Flesh God Apocalypse. Excellent, Sam, excellent. Sam, Steve, merci beaucoup d'être passé nous voir pour nous avoir entretenu de ce nouvel album et un peu l'historique aussi d'Ardox. C'était un grand plaisir, messieurs. C'est un plaisir pour nous. Ben, merci beaucoup. Ça nous a fait beaucoup. Grand plaisir. On va se quitter avec trois choix que notre ami Sam ici a choisi, qui sont, comme je l'ai dit il y a quelques instants, trois formations qu'on va entendre sur le 3e Metal Fest 14e édition. Et qui sont aussi incluses sur le CD compilation donné gratuitement. Ben oui, on va... À l'achat d'une passe qui est garantie. Sinon, premier arrivé, premier servi. Comme toujours et comme d'habitude et comme ce se doit d'être aussi. Ouais. Sam nous a choisi une pièce de Razor qui s'appelle Violent Restitution. C'est une pièce, une version live qui initialement était la pièce titre de cet album qui est paru en 88. Flesh God Apocalypse avec la pièce LAG tirée de Labyrinth paru en 2013. Et aussi Augury Brimstone Landscape, c'est tiré d'un album de 2009 qui porte le titre de Fragmentary Evidence. On vous incite tous à être présents pour ce week-end de Trois Verres Metal Fest. Sinistros et moi, nous y serons la semaine prochaine dès 19h pour une autre édition de réanimation. Merci, messieurs. Et pour les autres, allez tous vous faire foutre. Yeah! Go! Restitution! Backstabbing turn cold, I caught you in the lock. Lose that man, scumbag, I'm gonna break your back. You thought that you could pull it off, but I saw through your game. Now my hands are on your throat, you've got yourself to blame. Violence, restitution, you ain't seen nothing yet. Violence, restitution, paying back the debt. First I'll choke you to the abuse, then I'll count your lies. When it's time to bring us back, my promises are in line. When you think it's over, my debt is paid. Smash your fist to pieces with my trusty spade. Violence, restitution, you ain't seen nothing yet. Violence, restitution, I'm paying back the debt. again. Let us dance our songs until all night is.